Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 20 juillet 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 21 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Jocelyn. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir, ici Martin Pelletier, donc pour la deuxième partie du Libre Journal de la Liberté Surveillée, avec comme d'habitude le club de la presse, mais un club de la presse restreint ce soir parce que toutes ces dames sont à la mer. Alors, comment s'appelle-t-elle? Camille Gallic se fait bronzer à Nice. Charlotte Dornelas n'est peut-être pas à la mer, mais elle est à Alep, je pense, puisqu'elle n'a pas donné signe de vie. Comment s'appelle-t-elle? Jeanne Smith est en Bretagne. Donc, mais les meilleurs sont là. Je reçois ce soir donc Jérôme Bourbon. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Qui est donc directeur des Rivarol pour cette revue habituelle de l'actualité. Alors, on va en finir avec les informations de Radio Courtoisie, c'est-à-dire que je relis, pour ceux qui prennent l'antenne maintenant, relis le communiqué de Radio Courtoisie, qui a été envoyé par Henri de Lesquin. Chers amis, le CSA reconduit pour 5 ans, donc jusqu'au 3 septembre 2022, l'autorisation d'émettre à Paris en modulation de fréquence accordée à Radio Courtoisie, qui arrivait à échéance le 13 septembre 2017. Ce n'est pas une surprise, mais c'est une bonne nouvelle. Donc avec Jérôme, nous allons maintenant parler de l'actualité. Et j'avais envie de vous demander, Jérôme, quel est votre analyse de ce qui vient de se passer, parce que c'est quand même quelque chose d'énorme, en Turquie, parce que c'est quelque chose d'énorme, parce que quand même l'armée avec des chars et des avions a commencé une sorte de putsch qui finalement n'a pas fonctionné, et maintenant on voit, comment dirais-je, une énorme purge apparemment. Qu'est-ce qui se passe? Comment voyez-vous les choses? Mais d'abord, c'est la première fois, semble-t-il, que un putsch militaire échoue en Turquie, puisque les précédents à 4 reprises avaient fonctionné. Alors il y a plusieurs interprétations possibles à cela. Il y a sans doute le fait que l'armée, comme sans doute beaucoup de composantes de la société ottomane, est également en voie d'islamisation. Sans doute cette tradition laïque ou laïcarde de l'armée tend peut-être à s'estomper, voire maçonne carrément. Voilà, ça c'est, je pense, c'est une hypothèse qui n'est pas à exclure. Il y a aussi le fait que il semble dans l'histoire contemporaine que les putschs aient de plus en plus de mal à fonctionner, à réussir. On a plus souvent assisté depuis un certain nombre de décennies à des putschs manqués ou avortés qu'à des putschs qui réussissent dans les pays où ils ont eu lieu. On ne saurait exclure non plus dans Rivarol cette semaine, on a consacré de pleines pages à cet événement avec toutes les hypothèses possibles. On ne peut pas exclure non plus que ce soit un coup d'État monté, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en suscité par Erdogan lui-même. Ça n'est pas une hypothèse à exclure. Ça n'est qu'une hypothèse parmi d'autres, parce que c'était un moyen pour lui de renforcer son pouvoir, comme vous le dites très bien, de purger et d'épurer l'armée, les éléments qui n'étaient pas suffisamment loyalistes sur vis-à-vis du régime actuel. C'est une hypothèse qui n'est pas à exclure. En tous les cas, si on suit l'adage selon lequel chercher à qui le crime profite, ça a plutôt a priori renforcé son pouvoir. D'autres hypothèses peuvent également être mises en avant. D'aucuns disent que le rapprochement récent d'Erdogan avec la Russie, puisque ces deux nations étaient quasiment en guerre du fait de la destruction d'un avion russe donc récemment par la Turquie en Syrie. Or, tout récemment, Erdogan a renoué avec le président Poutine, encore timidement, mais enfin, il y a quand même... Il a présenté des excuses. Il a présenté des excuses, quand même. Donc, certains disent que ça peut ne pas plaire à certaines chancelleries et que, bon, on aurait peut-être voulu, d'une certaine manière, donner un coup de semonce au régime d'Erdogan. Bon, c'est une hypothèse aussi. J'avoue que on ne peut pas en l'état, savoir avec certitude ce qu'il en est. Toutes les hypothèses sont sur la table, sont possibles. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens quand même dans cette affaire, c'est que très certainement, il y a quand même une islamisation non négligeable de la société turque, y compris donc dans sa composante militaire qui lui était jusque-là la plus rétive. Alors, dans les suites du coup de force qui manquait donc, et il y a maintenant la reprise en main, semble-t-il, de l'université aussi, puisque les universitaires sont priés de ne pas partir pour l'étranger. Et puis il y a une demande, je crois, d'extradition qui a été formulée par Erdogan, qu'on lui livre donc un dénommé Gülen, qui est le, comment dirais-je, qui est le représentant d'un islam très particulier. C'est-à-dire, encore une fois, moi j'appellerais ça un islam un peu maçonnisé, il se veut soufiste, il se veut moderne aussi, il veut des relations, d'ailleurs on l'a vu, il a été reçu à Rome par Jean-Paul II dans le temps, il a des relations avec les Américains. Est-ce que c'est ça que, en quelque sorte, la communauté internationale aurait voulu mettre en place en Turquie pour remplacer Erdogan? C'est possible, c'est effectivement une hypothèse qui n'est pas exclue. En tout cas, Erdogan semble convaincu de ce scénario. C'est difficile, encore une fois, d'exprimer des certitudes à ce stade, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que nous ne sommes pas, pour notre part, des sectateurs, des admirateurs d'Erdogan, parce que, d'une part, contrairement à son prédécesseur, il est favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, hein, ce qui aggraverait considérablement les choses. Et par ailleurs, on sait très bien que dans ce qu'on a appelé le phénomène, ce que les médias appellent le phénomène des migrants, cette entrée massive de migrants, d'immigrés sur le vieux continent, dans les différents pays d'Europe, eh bien, il est très nettement encouragé par Erdogan de manière extrêmement claire. Et donc il me semble quand même que l'Europe en général n'a pas à se féliciter tout particulièrement, à se réjouir tout particulièrement de ce régime-là. Moi j'avoue sincèrement que s'il était tombé, j'avoue que ça ne m'aurait pas spécialement attristé. Bon, après on ne sait jamais les remplaçants sont pires ou meilleurs que les régimes en place, hein, ça c'est difficile à dire. Ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Exactement, mais enfin en tout cas, je ne vois pas grand chose de positif dans sa politique. En matière de migrants, absolument. Il s'en sert à la fois comme d'une monnaie d'échange et comme un moyen d'invasion. Alors qu'Erbakan avait une position, lui qui avait rencontré Jean-Marie Le Pen à l'époque, d'ailleurs, avait une position beaucoup plus, j'allais dire, isolationniste, en tous les cas, considérant que la Turquie n'était pas en Europe, que sa vocation n'était pas là, ni sur un plan historique, ni sur un plan géographique, ni sur un plan géopolitique. Et je pense que de ce point de vue-là, c'était beaucoup plus conforme à nos intérêts qu'aux intérêts de l'Europe. Est-ce qu'on pourrait dire, si ça avait un sens, que Erbakan était un national islamiste, alors que Erdogan est un international islamiste un peu... Si on schématise les choses, oui, je pense qu'il y a sans doute du vrai dans cette définition. Alors, vous parliez des rapports de la Turquie, de la Russie, mais il semble aussi que les rapports sont en train de changer avec la Syrie, puisque je ne sais plus qui est là maintenant, un député influent, membre... chef de l'opposition au Parlement turc, s'inquiète des négociations entre Bachar el-Assad et Erdogan. Est-ce que vous avez des informations plus précises là-dessus et... Bah, et, non, enfin, il semble en effet, donc on l'a vu avec, avec Poutine, avec la Russie, il semble que Erdogan, peut-être parce qu'il se sent menacé, et ce putsch manqué en serait un élément probant, essaye peut-être de raccrocher les wagons un peu avec les différentes puissances pour essayer de neutraliser un certain nombre d'adversaires ou d'ennemis, ce qui est un des objectifs d'une bonne politique, et par conséquent, je pense que cette volonté de se rapprocher un peu de la Syrie, alors qu'il a contribué au combien à la diaboliser, à armer les opposants à Bachar el-Assad, à les soutenir par tous les moyens, ça peut être effectivement un élément qui irait dans ce sens. Alors, à propos de la Russie, il me semble que l'Occident, parce que c'est comment dire autrement les choses, continue alors vraiment à diaboliser Poutine. Et alors depuis que ça n'est pas plus possible en Syrie, puisque finalement nous sommes un peu alignés sur la position russe, après l'avoir complètement combattu pendant 5 ans, là où les Russes semblent continuer à être de véritables démons, c'est pour les Jeux Olympiques. Il paraît qu'en Russie, on se dope alors, finalement. Oui, enfin, on le disait déjà à l'époque des pays de l'Est, ce qui était, je crois, effectivement très répandu. Mais enfin, les nageuses des pays est allemandes avaient des sacrées épaules. À voilà. Enfin, qui s'intéresse au sport professionnel, c'est bien que dans toutes les disciplines, ou presque, le dopage est pratiqué sous différentes formes. C'est vrai, on l'a vu beaucoup dans le cyclisme, c'est vrai dans le tennis, dans le football, c'est vrai un peu partout. Alors sans doute certains pays vont être plus loin que d'autres, certaines équipes vont être plus loin que d'autres, mais enfin, je crois que c'est une accusation qui pourrait se retourner parce que je doute qu'il y ait beaucoup d'équipes et de sports propres aujourd'hui. Oui, alors justement, à propos de... Puisqu'on est dans le sport... l'euro est terminé, mais comme on n'a pas pu en parler la dernière fois, puisqu'il n'était pas commencé. Donc, une opinion sur cet euro français qu'on nous a annoncé comme un événement de taille mondiale et qui a été vraiment l'objet d'un battage tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, c'est toujours la formule latine, panem et circenses, du pain et des jeux. Et il est clair que le sport professionnel, notamment par sa médiatisation audiovisuelle, occupe aujourd'hui une place tout à fait excessive dans la société. On est vraiment dans la société des loisirs, dans ce que feu Philippe Meret appelait le festivisme, ou l'idéologie festiviste, et hédoniste. Et il n'est pas interdit de s'intéresser au sport. D'ailleurs, tout sport, lorsqu'il est bien pratiqué, peut être intéressant à voir, hein, c'est certain. Mais enfin, il semble quand même qu'il y ait quand même une exagération à ce niveau-là. Et c'est un moyen aussi pour les pouvoirs publics de détourner l'attention et l'intérêt de leurs compatriotes vers des enjeux beaucoup moins important en soi. Alors sans doute que Hollande et son équipe eussent aimé que l'équipe de France gagnât la compétition, parce que pas oublier que Jacques Chirac en 1998 s'était refait une santé sondagière, ou sondagique si j'ose dire, à la suite de la victoire de l'équipe black-blanc-beurre de football avec Zidane en juillet 1998, alors même que jusque là il accusait des sondages extrêmement faibles, une impopularité grande. Et cette affaire l'avait tout à fait favorisé, quoi. Ce qui en dit long d'ailleurs sur l'évolution de la politique, parce que je suis de ceux qui pensent que Jacques Chirac a été un des présidents les plus calamiteux, probablement le plus calamiteux à mon sens, de la Ve République. Mais néanmoins, jouant d'une certaine jovialité factice, il avait dans cette affaire su rebondir. Les hommes politiques, impuissants ou malfaisants, par le biais de ces jeux du cirque moderne, engrange facilement un grand coefficient de sympathie, de popularité, en général momentané. Mais dans le cas de Hollande, quelque part, c'est un petit peu manqué, puisqu'aussi bien c'est finalement le Portugal qui l'a emporté en finale. Il a été quand même en finale, mais il a décollé de ses 12%, il est à 13%. C'est un relatif succès. Alors, à propos de sport quand même, il y a les Jeux Olympiques qui vont venir, et alors là, c'est encore plus grave, parce que quand on voit L'état du Brésil, d'abord une crise institutionnelle comme il n'y en a jamais eu, aussi forte, et ensuite plusieurs états, dont celui de Rio d'ailleurs, qui sont en faillite réelle, pas en quasi-faillite. Alors que, comment concilier tout ça ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour... ce système ne va plus marcher, qu'il va y avoir soit une révolte générale, soit un tel fiasco économique que ça... l'effondrement, quoi. Mais je crois que c'est dans son blog vidéo récent que Jean-Marie Le Pen disait que l'Amérique centrale et l'Amérique latine s'étaient montrées finalement très décevantes. On attendait beaucoup de ces pays, d'un rayonnement de leur économie, d'un dynamisme de leur société, et finalement, tout ça est extrêmement décevant. On l'avait vu il y a quelques années avec l'Argentine, on l'a vu également avec le pays de Chavez, et on le voit avec le Brésil, et il semble en effet que l'Amérique centrale et l'Amérique latine soient en crise profonde. Ce n'est pas, il faut le dire, la seule région du monde à l'être, hein, parce qu'il n'est que de voir l'état de l'Afrique, et finalement, à bien des égards, est-ce que l'Europe se porte beaucoup mieux, ce serait très discutable, mais il est vrai que je ne suis pas sûr que ces pays qui, pour l'essentiel, étaient quand même des colonies autrefois, je ne suis pas sûr que finalement, ils aient parfaitement réussi ce changement institutionnel, en quelque sorte. Je suis de ceux qui pensent que je sais qu'à l'heure actuelle, même dans nos milieux, il est de bon ton de dénoncer la colonisation. Sans doute, y a-t-il eu des erreurs ou des excès qui ont pu être commis ici et là, mais moi je crois que dans l'ensemble, ça a quand même été une espèce de réussite, et qu'il me semble que c'est la décolonisation précisément qui a précipité le malheur de beaucoup de pays. C'est vrai en Afrique, mais je pense que c'est vrai aussi en Amérique du Sud. Et même pour l'Europe, puisque ça a amené une population extra-européenne, déracinée, qui engendre des problèmes considérables et croissants. Alors, une question parce qu'il faut de temps en temps faire des questions d'auditeurs. C'est une question qui vous est adressée heureusement à vous, parce que je serais totalement incapable d'y répondre. Cher monsieur, donc à l'intention de Jérôme Bourbon, est-il vrai que Louis de Bourbon, qui est tenu pour Louis XX, par les légitimistes, et serait maçon, meilleure salutation. Je l'ignore, je crois savoir qu'il travaille dans la banque, mais... C'est un indice suffisant. Ce n'est pas un indice suffisant, non, je ne sais pas. C'est souvent difficile de savoir si quelqu'un est franc-maçon ou pas, à moins qu'il l'avoue lui-même, qu'il le reconnaisse lui-même, comme par exemple Gilbert Collard, qui ne l'a jamais caché, ou comme d'autres, mais quelqu'un qui ne l'avoue pas, à moins de tomber sur des documents authentiques... Comme Serge de Bekech a reconnu qu'il avait été... un moment tenté par la maçonnerie, qu'il avait ensuite vu quelle horreur c'était et qu'il l'avait tout simplement quitté. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Ce qu'il avoue, c'est assez rare en général. Donc à partir de là, c'est difficile d'avoir des certitudes. D'accord. Ça ne veut rien dire sur la personnalité de Louis XX, que je connais assez mal. Je connaissais un peu son père, mais Louis XX, je ne le connais pas. Et le problème de la succession dynastique en France est assez compliqué aujourd'hui. Alors, revenons à nos boutons, si j'ose dire, mais surtout, continuons un peu à nous tourner vers l'étranger avant de... justement, de parler de la situation française. Donald Trump vient enfin d'être nominé, comme on dit. Intronisé, candidat des Républicains à la convention républicaine de Cleveland, qui a duré 4 jours. Et bon, c'est un peu secoué, mais finalement, ça s'est bien fait. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit la presse d'aujourd'hui en France... qui au départ, il y a quelques mois, disait que jamais, ce guignol n'atteindrait évidemment le stade final, dit maintenant pourquoi, j'ai lu ça dans Le Parisien, je crois bien, en gros titre, pourquoi Donald Trump peut être élu. Alors, que pensez-vous de ce revirement? Que pensez-vous aussi de son intronisation? Et finalement, est-ce que le Parti républicain est bien décidé à le soutenir, à votre avis ? Alors d'abord, je pense que dans la campagne présidentielle américaine de cette année, le phénomène Trump est sans doute le phénomène le plus intéressant. D'abord parce qu'il était inattendu, il s'était déjà présenté par le passé sans les succès qu'il a obtenus cette fois-ci. Et je crois que c'est intéressant parce que d'abord c'est quelqu'un qui, ce qui est rare en politique, qui est indépendant financièrement. Et l'indépendance financière dont il dispose est une chance et un atout considérable parce que cela lui permet d'avoir une certaine indépendance de pensée, une liberté de ton, une liberté de propos qui fait défaut en général chez les politiciens. Et c'est en quelque sorte toute une série de dérapages contrôlés en quelque sorte qui paradoxalement lui ont permis de gagner et haut la main cette bataille des primaires républicaines où il avait beaucoup de coups à prendre et où l'establishment républicain a tout fait pour lui glisser des pots de banane, si j'ose dire, puisqu'il avait même été envisagé de présenter un candidat alternatif s'il n'obtenait pas la majorité absolue des délégués et qu'un certain nombre de ses concurrents envisageaient même de rester jusqu'au bout pour faire en sorte qu'il n'atteigne pas ce seuil fatidique de la majorité absolue des délégués qui lui permettait assurément d'être élu, d'être intronisé, pardon, à la convention républicaine. Et... Oui, mais même au départ, je me souviens, au mois de fin novembre, on voyait les classiques, vraiment, les du Parti républicain chercher tous ensemble des financements pour, tout à fait. Pour susciter n'importe qui. Alors, on a vu effectivement, y compris à cette convention républicaine, que manquaient des personnalités éminentes, historiques du Parti républicain, comme par exemple la famille Bush, qui est totalement absente, hein, ce qui est quand même très significatif, et d'autres personnalités, certains de ses concurrents, ce qui fait d'ailleurs que d'aucuns ont pu dire que c'était vraiment plus qu'une convention républicaine, une convention vraiment Trump. Mais il n'empêche qu'il aura, semble-t-il, donc le soutien du Parti républicain, non pas sans doute dans sa totalité, il y aura des gens qui effectivement freineront des quatre fers, mais enfin c'était quand même symboliquement très important de l'avoir, parce que s'il avait dû se présenter en candidat indépendant, là c'était la victoire assurée pour Hillary Clinton. Bon, donc moi il me semble qu'il représente quand même une forme de vent frais dans la vie politique américaine. Il ne s'agit pas d'en faire un héros à tout point de vue. Si j'étais John Smith, je vous enverrais des quand même. Oui, il y aurait des critiques, tout à fait, absolument. Notamment, il a quand même pas mal varié sur la question du mariage homosexuel. Il a varié sur beaucoup de choses. Il a financé les Clinton. Ayant été un mania de l'immobilier, voilà. Il a été amené pour ses affaires, effectivement, à avoir un parcours Il a changé d'avis très linéaire sur le salaire minimum. Enfin, sur plusieurs. On voit. Oui, mais disons qu'il y a quand même quelques constantes dans sa campagne présidentielle. Alors, quelles sont-elles ? Déjà, une position géopolitique que je trouve très intéressante, qui est quand même une forme de relatif isolationnisme qui, de ce point de vue-là, le rapprocherait un peu, pas totalement, mais un peu, de Ron Paul par exemple, et je pense que ça c'est très bon pour l'Europe, parce que il est évident que c'est, l'activisme de l'hyperpuissance, comme l'appelait Hubert Védrine, de l'hyperpuissance américaine. Ancien ministre des Affaires étrangères. De la gauche, eh bien, qui, en quelque manière, est un élément désastreux. Par exemple, toutes les expéditions américaines depuis 15 ans, on pourrait remonter plus loin, mais en tout cas singulièrement depuis 15 ans, depuis l'Afghanistan, se sont révélées être des catastrophes absolues. On peut d'ailleurs s'interroger sur les véritables desseins de ces expéditions, parce que sauf à considérer que ceux qui les entreprenaient étaient des imbéciles absolus, ce que j'ai du mal à croire, il y avait certainement des intérêts autres que ceux qui nous étaient présentés. Enfin, bon, on ne rentrera pas c'est un autre débat qui nous mènerait loin, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc il y a cette dimension isolationniste, il y a le fait qu'il a quand même un discours relativement musclé et lui aussi constant contre l'immigration et c'est contre le deuxième point, l'insécurité, oui. la délinquance, le crime, et ceux qui disent qu'à bien des égards, il est le Jean-Marie Le Pen américain, je trouve qu'il y a du vrai là-dedans. Il y a du vrai. Bon, alors évidemment, ce serait peut-être à nuancer sur certains points, mais dans l'ensemble, c'est assez vrai. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen lui-même ne s'y est pas trompé, puisqu'il a dit, il a tweeté, si j'étais américain, je voterais Trump. Et je sais qu'il a beaucoup de sympathie pour le personnage, je dirais non seulement sur le fond, mais je dirais sur la forme, cette forme un peu de populisme, de talent oratoire, de s'adresser aux gens directement, à leur trip, à leur cœur, de ne pas lire sur des prompteurs, de ne pas être un politicien de métier. Je pense que c'est un élément qui est important, alors que Hillary Clinton, c'est une momie, hein, c'est vraiment le contraire, y compris sur un plan physique. Elle est liftée à mort. Absolument, absolument. Elle est absolument hideuse à tout point de vue, quoi. Et donc, et c'est vraiment la créature de l'établissement américain, tenu par le complexe militaro-industriel, par l'État d'Israël, et en plus avec une logique tout à fait belliciste, hein, contre l'Iran. Enfin, je veux dire, si elle était élue, ce serait véritablement catastrophique, hein. Bon, elle est bien pire de ce point de vue-là que son époux. Bon, donc, alors bon, on l'a vu en Libye, elle a été absolument. Oui. Donc, je pense que les médias audiovisuels américains feront tout évidemment pour que Trump perde l'élection. Mais si l'élection n'est pas truquée, s'il n'est pas suicidé dans un accident d'avion ou d'hélicoptère, s'il n'y a pas des campagnes contre lui qui soient de nature à retourner l'opinion américaine, a priori, sur le papier, il a ses chances. Parce que les sondages montrent une très forte réduction de Oui, j'ai même vu des sondages où il était à égalité avec Hillary Clinton. Hein. Il faudrait pour cela que beaucoup d'abstentionnistes, d'électeurs qui sont abstentionnistes, parce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'abstentionnistes, il y a environ 50% des Américains qui ne votent jamais aux élections, contrairement à la France où quand même l'abstention est moindre. Et donc, surtout une élection majeure. Bon. Et donc, il faudrait qu'une bonne partie de ces abstentionnistes chroniques, structurelles, votassent cette fois-ci pour Trump. Et là, dans ce cas-là, il aurait des chances d'être élu. Voilà. Donc, on verra. Mais je pense personnellement, sans du tout l'idéaliser ou en faire la solution suprême, je pense que l'Europe et la France auraient plutôt intérêt, me semble-t-il, d'après ce qu'on peut voir, ce qu'on peut ressentir aujourd'hui, à une élection de Trump qu'à une élection de Clinton. Et sur la question du mondialisme, comment l'analysez-vous ? On entend, à mon avis, des sons de cloche plutôt favorables à Trump. À Moscou, c'est clair comme l'eau de roche. Oui, il est clair que je pense qu'il pourrait y avoir un dialogue intéressant entre le président Poutine et le président Trump, en l'occurrence, s'il était élu. Oui, je pense, puisque lui se dit tout à fait favorable à un dialogue avec la Russie. Donc, ce sont des choses tout à fait positives, parce que je crois que ce qu'il faut quand même éviter, c'est éviter quand même la guerre ou les guerres. Et il n'y a eu que trop de guerres, trop de conflits actuellement. Et donc, tout ce qui peut aider à pacifier, à créer un dialogue, un apaisement, va dans le bon sens, c'est certain. Alors, il est 19h58, je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée avec moi-même, Martin Pelletier, et je reçois ce soir pour le Club de la Presse et la Revue d'Actualité, Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol. Alors, on va peut-être maintenant quitter les États-Unis pour aller vers l'Europe, et en particulier vers la Grande-Bretagne. Parce que les Anglais, depuis notre dernière émission, les Anglais ont choisi le Brexit. Alors, premièrement, qu'est-ce que vous pensez de ce vote ? Est-ce que ça va se traduire ? Par quoi va-t-il se traduire ? Est-ce que ça va vraiment changer les choses ? D'abord, la première réaction, c'est que pour une fois que il y a un vote qui va dans le bon sens, on ne va quand même pas, comment dirais-je, cracher dans l'ancien. Voilà, jouer au rabat-joie. Et donc, de ce point de vue-là, il faut plutôt s'en réjouir. Parce que tout ce qui est de nature à affaiblir ce véritable monstre technocratique qu'est l'Union européenne va évidemment dans le bon sens. C'est un événement qui est intéressant, qui n'était pas spécialement prévu d'ailleurs par les marchés, par les politiques. Et on pouvait même craindre que l'assassinat d'une députée travailliste qui était opposée au Brexit quelques jours avant cette consultation, on pouvait craindre qu'elle fût de nature à nuire aux partisans de l'indépendance de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni. Mais bon, manifestement, ça n'a pas été le cas, même si on voit que les résultats sont extrêmement différents selon les régions du pays, selon les classes d'âge, et même entre l'Irlande et l'Écosse, qui, elle, était très favorable à un maintien dans l'Union européenne, et l'Angleterre, et le Pays de Galles, qui, en revanche, ont été majoritairement favorables à une sortie, au Brexit. Et encore, il faudra affiner l'analyse, parce que les grandes villes, notamment Londres, avec la City, ont été très favorables, je crois, autour de 60% au maintien dans l'Union européenne, alors que c'est plutôt quand même les campagnes, les petites villes, les villages, qui ont été favorables, parfois d'ailleurs très fortement, au Brexit. Alors, donc, de ce point de vue-là, il faut s'en réjouir. Est-ce à dire que on parle d'un Brexit, on pourra avoir facilement un Frexit, comme d'aucuns l'espèrent? Ça me paraît en revanche plus difficile, parce que, bien sûr, il faudra le souhaiter, mais c'est plus difficile parce que il faut reconnaître que depuis son entrée en 1973 dans ce qui s'appelait à l'époque encore la CE, la Communauté économique européenne, bon, le Royaume-Uni n'a toujours eu en quelque sorte qu'un pied dans l'Union européenne. Il n'était pas d'abord il n'avait pas l'euro, comme chacun sait, donc déjà c'était quand même un élément important. Son caractère insulaire a aussi joué également. Il avait toujours négocié, notamment à l'époque de Margaret Thatcher, sur le fait qu'il ne souhaitait pas, ce qui d'ailleurs était assez logique, donner davantage d'argent à Bruxelles qu'il n'en recevait. Ce qui n'est pas le cas de la France. Je crois que, sauf erreur de ma part, je crois qu'on donne 13 milliards d'euros de plus. Ce sera vérifié, mais il me semble bien que c'est ça. 13 milliards d'euros de plus à Bruxelles que on en reçoit. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui est tout à fait scandaleux. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais que les différents gouvernements britanniques, qu'ils fussent d'ailleurs travaillistes ou conservateurs, avaient, de ce point de vue-là, plutôt mieux négocié les intérêts de leur pays que nos dirigeants. Mais ça n'est pas ni une nouveauté ni une surprise. Bon, voilà. Bon, et je pense que l'économie du Royaume-Uni, le fait qu'elle ait toujours eu des liens très privilégiés avec les États-Unis d'Amérique, font qu'à mon avis, c'est un pays qui a moins besoin de l'Union européenne, sans doute, que d'autres pays. Mais c'est intéressant parce qu'on va voir ce qui va se passer. Alors, est-ce que finalement, il y aura ou non une véritable sécession, un véritable départ, ou est-ce que finalement les liens seront un petit peu plus ténus avec l'Union européenne, mais qu'il restera quand même certains éléments juridiques qui la rapprocheront, qui la maintiendront un peu dans ce giron, l'avenir le dira. Je crois que ce sera quand même observé avec intérêt, parce que en fait la crainte, si vous voulez, des européistes, c'est que cette affaire fasse boule de neige, fasse tache d'huile, et que d'autres pays se disent, bah finalement, si les Anglais l'ont fait, pourquoi pas nous, pourquoi pas tel autre peuple, pourquoi pas tel État membre de l'Union européenne. Et il est vrai que il y a toute une série de pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, comme la Norvège, comme la Suisse, je crois, ne se porte pas plus mal de ne pas faire partie de cette structure qui, à la vérité, n'a jamais constitué une puissance, encore moins une nation, même pas une puissance indépendante et forte, de nature à rivaliser notamment avec les États-Unis d'Amérique. Au contraire, hein, elle est tout à fait soumise à ça. D'ailleurs, les fondateurs et les sectateurs de l'Union européenne, Pierre Hillard notamment, mais d'autres, l'ont montré dans leurs écrits, dans leurs travaux, étaient tout à fait atlantistes, hein, étaient tout à fait fromés près les États-Unis, et par conséquent, ça n'a jamais été un élément de nature à rivaliser avec les États-Unis ni à construire une véritable Europe indépendante, une Europe puissance, à supposer d'ailleurs que ce soit et possible et souhaitable, puisqu'on sait que l'Europe, c'est une succession de nations, c'est une civilisation. Mais je crois que, comme dit l'adage, je veux dire, je connais des Français, je connais des Allemands, je connais des Anglais, je connais des Italiens, je connais pas d'Européens, hein, donc voilà. Et donc je pense que il y a peut-être, si ça a été une réalité au Moyen-Âge, l'Europe, etc., bon, que ça fait appel à un certain nombre d'éléments relatifs à la chrétienté, etc., de la faire une nation européenne, ça me paraît une utopie probablement, comme toutes les utopies, irréaliste et erronée. Il y a une chose qui ne trompe pas, c'est depuis le temps qu'on essaye de faire l'Europe fédérale, on a dépensé beaucoup d'argent et de temps sans rien, sans avancer d'un iota, alors que en quelques années, les deux Allemagnes se sont ressoudées, alors que tous les opposaient au point de vue politique pendant 60 ans. Donc une nation reste une nation. Bien sûr. Et une communauté de langue, d'histoire, où les intérêts économiques, géopolitiques ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc ça me paraît très, très illusoire. Je ne vois pas ce qu'on a gagné dans l'affaire. Je constate que, notamment, la PAC, politique agricole commune, a conduit à la destruction de notre agriculture, de notre paysannerie, que par son dogme du libre-échangisme absolu, l'Union européenne a détruit pan après pan notre industrie. D'abord, la sidérurgie, le chantier naval, le textile, un petit peu tous les secteurs d'activité. Même maintenant, les services, le secteur tertiaire, commencent à être touchés. Par conséquent, moi, je ne vois pas ce que cela a apporté de positif à notre pays. Alors, concernant le Brexit, on peut aller plus loin parce qu'on peut penser, je sais pas, la presse, une partie de la presse anglaise, était-ce, comme souvent les Britanniques peuvent être, assez paradoxal. C'est-à-dire, je sais pas si vous avez suivi l'éditorialiste du Spectator, Nelson, qui a dit profitons du Brexit pour que la Grande-Bretagne soit le chef de file d'un nouvel internationalisme, et en fait, pour profiter de cette séparation, afin de ne pas d'être encore plus mondialiste. Et on se demande si c'est pas ça qui va être en train de se mettre en place, puisque vous avez déjà la baisse des impôts sur les sociétés, qui est la recherche de nouveaux partenaires. En fait, bizarrement, dans cette façon de voir les choses, qui est proprement libertaire, l'Europe n'était pas une catastrophe parce que c'était une sorte d'URSSB qui était le cheval de Troie du mondialisme, mais elle était trop identitaire, elle défendait trop les intérêts des Européens. Est-ce que c'est pas ça qui nous pendait ? C'est-à-dire que par un retournement dialectique dont ils sont souvent les maîtres, eh bien les mondialistes vont se servir du Brexit pour accélérer le processus. Il pourrait en effet être question de faire du Royaume-Uni un paradis fiscal, et quand on connaît le taux de prélèvement obligatoire en France, c'est sûr que c'est pas de nature à améliorer l'économie française. Déjà touché, on y viendra tout à l'heure sans doute, après les attentats et leurs conséquences. Mais effectivement, le mondialisme peut utiliser différents moyens, et il n'est pas absolument certain que le Brexit aura nécessairement des effets positifs. Mais disons que je dirais que l'élément positif, quand même, que je vois, c'est que on peut quand même sortir, si on le veut, de l'Union européenne. Et comme l'Union européenne, c'est un petit peu le pendant de l'Union soviétique à l'ouest, de ce qu'elle était à l'est, à bien des égards, quand même, avec cette bureaucratie tatillonne, avec ces lois liberticides, je crois que ce serait une bonne chose, ce serait une délivrance des nations et des peuples si on sortait de ce processus. Mais bien sûr, encore faut-il que les gens qui mènent ce processus soient eux-mêmes, ne soient pas eux-mêmes des mondialistes. Or, je ne suis pas sûr que les dirigeants du gouvernement britannique aujourd'hui soient des nationaux ou des nationalistes britanniques. C'est ça la question qu'on peut se poser, parce que quand on voit la personnalité et la façon, encore une fois, d'arriver au pouvoir de Theresa May, qui est donc le Premier ministre britannique aujourd'hui, elle a évolué encore une fois sur tout ce qu'il fallait. Elle était très opposée au mariage gay dans le temps, elle est devenue pour. Elle était, alors sur la question du Brexit, elle a réussi à... Elle était plutôt contre. Et puis moyen, etc. Et ce qui est frappant, alors je ne sais pas si ça vous a frappé, mais moi ça m'a frappé, c'est que les deux grands vainqueurs du Brexit, c'est pour les conservateurs, Boris Johnson, et pour les UKIP, c'est Nigel Farage. Et les deux, hop, on sautait, on attendait l'un comme Premier ministre et l'autre comme aiguillon d'une opposition de droite. Et les deux ont sauté. Alors, bon, comment s'appelle-t-il ? Johnson s'est récupéré comme affaires étrangères. Mais enfin, on sait que c'est pas lui qui mènera les négociations. Il n'est pas l'homme chargé des négociations. Hein. Donc, c'est un hochet qu'on lui donne. On a l'impression, moi j'appelle ça le vexit, c'est-à-dire les victorieux s'en vont. C'est quand même tout à fait anormal. Alors, effectivement, c'est très frappant. Alors, là encore, qu'en est-il ? S'agit-il de pressions très fortes qui auraient été exercées sur eux pour que, en quelque sorte, leur victoire, ils payeraient leur victoire, en quelque sorte ? Ou est-ce que c'est le fait qu'ils manquent de courage, de force de caractère, qu'ils n'étaient pas aussi convaincus qu'ils l'ont dit ? Moi, j'avoue, je l'ignore, mais je me rappelle quand même d'un précédent, au moment de la campagne sur Maastricht, en 1992, même si en l'occurrence là, le nom ne l'avait pas emporté au final, mais je me rappelle très bien que Philippe Séguin, qui avait été autoproclamé par les médias et par François Mitterrand comme champion du non à Maastricht, plus le nom montait dans les sondages, plus son visage se décomposait, plus on sentait qu'il avait peur. Et moi j'avais appris que finalement, il y avait eu des pressions très fortes qui s'étaient exercées sur lui, ainsi d'ailleurs que sur Pasqua, pour que justement, il mette un petit peu la pédale douce dans cette affaire. Et rappelez-vous que dans le fameux débat à la Sorbonne télévisée avec Guillaume Durand, entre François Mitterrand et Philippe Séguin, Séguin avait été lamentable. Hein. Oui. Lamentable face à Mitterrand. Et c'est là où les sondages qui donnaient assez nettement le non gagnant ont commencé à basculer. Puis après, Mitterrand a sorti de son chapeau sa prostate. Oui. Et puis ils ont cancer de la prostate. Et donc, ça a achevé, si j'ose dire, ça a achevé la victoire des Maastrichtiens. Oui. Mais cela dit, moi j'avais trouvé très étrange, j'étais encore jeune à l'époque, mais j'avais trouvé très étrange à l'époque l'attitude de Séguin. Son aplatissement et son côté de plus en plus fuyant. Quoi. On a l'impression que plus les sondages en faveur du non montaient, plus il en était mélancolique. Quoi. Et donc, on ne peut pas négliger le fait qu'il ait pu y avoir des pressions. C'est la politique de tout temps. Mais la politique moderne repose beaucoup sur la peur. Hein. Oui, ce sont des réseaux. Les pressions peuvent être très fortes. La peur était très forte parce que Nigel Farage, c'est tout de même pas, il a fait quand même 15 ans d'opposition dure pour lui faire peur, il a fallu quelque chose de fort. Il n'est pas courageux sur tous les domaines, puisque je crois qu'il avait refusé toute alliance avec le Front National. Pourtant, le Front National d'aujourd'hui est un peu aseptisé. Il avait refusé toute alliance au Parlement européen avec lui, parce que, disait-il, le Front National est antisémite. Ce qui est d'ailleurs grotesque, mais donc c'est vous dire quand même qu'il n'est pas si indépendant des différents lobbies. Ça veut dire qu'il y a pour longtemps des moyens de pression sur lui. Alors, quelques observations, questions des auditeurs. J'espère que le Brexit fera école et nous accéderons bientôt au Fraxit et au Deuxit. Oui, c'est Deutsch. Espérons-le. Alors, excellente émission. Merci, M. Pelletier, d'avoir invité M. Bourbon. Nous aimerions l'entendre plus souvent, mais plus souvent, chaque fois, il est là. Donc, je ne peux pas faire plus souvent, moi. Alors, je suis ravi d'attendre sur Radio Courtoisie les mêmes propos que ceux du FN. Philippot Marion. Alors, c'est une nouvelle. Un nouvel attelage, Philippot Marion. Tant mieux. Mais c'est quand le Front National dit de bonnes choses, et ça lui arrive, même souvent, pour beaucoup de choses, il est évident que nous n'allons pas nous amuser à critiquer ce qui est bon. Si on critique que ce qui nous paraît mauvais, c'est différent. Je me régale de votre programme. Tant mieux. Alors, encore des félicitations, c'est ennuyeux. Je crois que cette dame est contente qu'on ait interviewé tout à l'heure Henri de Lesquin pour qu'il puisse s'exprimer avec simplicité. J'ai écouté les propos de M. Lesquin avec beaucoup d'attention. Je lui fais totalement confiance et je suis heureuse qu'il donne des explications. Les récents départs des patrons de mission m'avaient contrarié. Imaginer qu'il puisse faire un fond en écriture, c'est vraiment ne pas le connaître. Les sycophants manquent de psychologie. Oui, ça, je crois que la psychologie, c'est très important. Il faut connaître la psychologie d'Henri de Lesquin. Alors, je continue sur les questions d'aujourd'hui. Il est donc 20h13. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée avec Martin Pelletier. Et je reçois donc Jérôme Bourbon, comme toutes les semaines C. Et nous allons maintenant parler un peu plus de politique intérieure. Quoique, est-ce que c'est de la politique ? Il y a eu tout de même à Nice un véritable massacre qui va bien au-delà de la politique et qui a frappé d'autant plus nos compatriotes que depuis maintenant 18 mois le gouvernement prétend lutter avec efficacité contre le terrorisme et que cette bousculade et cet écrasement de 84 personnes par un camion a eu lieu le jour de la fête nationale. Alors, comment analysez-vous la question? Enfin, le drame de Nice. Il y a beaucoup à dire. On fait d'ailleurs un numéro spécial de Rivarol cette semaine qui sera disponible en kiosque dès demain. Mais d'abord, il est frappant de constater que ce drame épouvantable, ce carnage prémédité, a eu lieu en plein état d'urgence, puisque l'état d'urgence devait être levé le 26 juillet. On était le 14 juillet au soir. Donc, des drames aussi affreux arrivent en état d'urgence. Donc, on voit très bien que lorsque le président de la République, le Premier ministre, parle d'état d'urgence, ou le naguère, lorsqu'il parlait de vigipirate renforcé, écarlate, ce sont essentiellement des mesures de nature psychologique visant à rassurer, d'ailleurs faussement, la population, mais que leur efficacité est nulle. Vous voulez dire que l'état d'urgence n'empêche rien? Écoutez, moi je prends un exemple. J'étais l'autre jour dans un centre commercial dans le 13e arrondissement de Paris, et il y avait des vigiles qui fouillaient les sacs des gens qui avaient des sacs pour faire les courses au rez-de-chaussée. Mais il suffisait de passer par un escalier qui accède de l'extérieur directement à l'étage, et on pouvait passer avec des sacs sans être contrôlé. Donc vous voyez, c'est le genre de bêtises, si vous voulez, d'éléments qui ne servent strictement à rien, qui se sont multipliés ces derniers mois. Moi, je n'ai aucune confiance dans les équipes gouvernementales pour agir dans ce sens. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, effectivement, que cette tragédie, ce carnage ait lieu le jour de la fête nationale, on pourrait se dire que leur régime est né du terrorisme et qu'ils risquent de mourir du terrorisme, puisqu'on sait très bien que le 14 juillet, ça a été quand même le début d'éléments sanglants, et quelque part, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui fait sens, si j'ose même dire. Même si on ne fête évidemment pas la prise de la Bastille, mais la fête de la Fédération. C'est sûr que les gens qui allaient surtout pour le feu d'artifice. C'est vrai que c'est très beau, un feu d'artifice, et pour repasser un moment agréable sur la promenade des Anglais, qui est un endroit magnifique, hein, la baie des Anges. Symboliquement, quand même, le 14 juillet, il ne faut quand même pas oublier que ça a quand même été quand même une journée sanguinaire et que ça a été le prélude à des bouleversements révolutionnaires qui ont été tout à fait sanglants et qui ont amené un régime contre nature en France. Hein. Donc, ça, je crois quand même qu'il fallait le dire en préambule. Bon, pour le reste, ça fait quand même 250 morts en l'espace de 18 mois en France par une succession d'attentats. Et d'abord, moi, la première chose à laquelle j'ai pensé en voyant cela, d'abord bien sûr aux victimes, surtout que cette fois-ci, on monte à chaque fois d'un cran dans l'horreur, parce que au départ c'était quand même des journalistes, et puis après donc c'était des gens allant à un spectacle. Et cette fois-ci, c'est le tout venant, si j'ose dire, y compris des enfants. C'est la première fois que dans les massacres récents qu'il y a eu en France, des enfants sont touchés, 10 qui ont été tués, de 6 mois à un peu moins de 18 ans, et une trentaine, je crois, encore hospitalisés. Donc, évidemment, je dirais qu'on va crescendo dans l'horreur. Et moi, ce qui est quand même très inquiétant dans cette affaire, c'est que la personne, le tueur, qui est tunisien, et non pas franco-tunisien, comme on l'a dit au départ, parce que les médias ont menti. J'entendais France Info, BFM TV, qui au départ disaient que c'est un niçois, comment un niçois peut tirer sur d'autres niçois. Mais je veux dire, on est vraiment dans le déni du réel, là. On est vraiment dans la bêtise à front de taureau, parce que là vraiment, c'est pas parce qu'il habitait à Nice que ça en fait véritablement un niçois. Bon, donc c'est avec ces mensonges qui nous font tant de mal aussi qu'on en est dans la situation d'aujourd'hui. Alors, il n'était pas du tout franco-tunisien, il était tunisien, et ayant commis des délits, il aurait dû être expulsé du territoire national, mais on sait que Sarkozy a supprimé la double peine, parce que la gauche appelle la double peine, et par conséquent, il est resté en France, ce qui est tout à fait scandaleux. Il faut expliquer la double peine, je crois, parce que les gens ne s'en souviennent pas. Eh bien, expliquez-le. Parce que alors, la gauche a appelé double Le Pen simplement le fait que quand un étranger est condamné pour un crime, eh bien, ipso facto, il se trouvait expulsé. D'où la double peine. D'où la condamnation en prison et l'expulsion du territoire. Et bon, ce qui est tout à fait naturel, quoi. Et donc, voilà comment, par un vocabulaire tout à fait orienté, la gauche et les médias font de quelque chose de tout à fait naturel quelque chose de mal, de maléfique. Bon. Donc ça c'est la première chose à dire, c'est celle-là. La deuxième, c'est que on a pu constater que ce Tunisien n'était pas fiché S, c'est-à-dire n'était pas considéré comme un terroriste ou un apprenti terroriste ou quelqu'un de nature à être suspecté, suspecté d'action terroriste. Et moi je crois que c'est peut-être l'élément le plus inquiétant dans cette affaire, c'est que on a eu tendance à dire ici et là, un peu dans les différents mouvements politiques, qu'au fond le problème se limitait à ce que les médias appellent l'islam radical, et qu'en quelque manière, à partir du moment où on surveillait, ce qui d'ailleurs n'est pas vraiment le cas, les personnes fichées S, quelques milliers de gens jugés comme islamistes radicaux, eh bien, il n'y aurait plus, a priori, de danger de terrorisme en France. Or, on s'aperçoit que n'importe quel halogène qui a la haine de la France, et Dieu sait que les médias, l'école, l'éducation nationale, les médias font tout depuis des décennies pour entretenir cette haine, hein, comme aux États-Unis d'ailleurs, entre les Noirs et les Blancs. On en parlera peut-être tout à l'heure, eh bien, il est évident que, pour peu en plus que cette personne soit dans sa vie personnelle frustrée, en état d'échec, vous savez, la nature humaine repose beaucoup sur l'envie, hein, le communisme a beaucoup joué sur l'envie, bon, et donc, il est évident que cette personne était en instance de divorce, qui plus est, bon, donc il suffit que quelqu'un qui soit assez déséquilibré, assez frustré, et qui en plus est la haine de l'Occident, de la France, des Blancs, eh bien des Français, de la France, eh bien décide de se venger et d'agir de cette manière-là. Et c'est assez effrayant parce que finalement on se dit quand même quelqu'un qui n'est pas spécialement armé ou surarmé, avec ce qu'on appelle une arme à prédestination, c'est-à-dire une voiture, un camion, eh bien peut faire des dégâts considérables et qu'il est extrêmement difficile d'éviter ce genre de choses, parce que quelqu'un qui est vraiment déterminé, qui a bien organisé l'acte qu'il entend commettre, eh bien, il est certain que ça peut être n'importe où. Ça peut être quelqu'un qui tire à une terrasse de café dans un restaurant, une aire d'autoroute, dans une maternelle, dans un train, dans un RER. Bon, et donc évidemment, ça fait des dégâts absolument considérables. Et je crois malheureusement que nous allons vivre dans les semaines, les mois, les années qui viennent, une libanisation de plus en plus forte de la France, ce que des pays au Proche-Orient, au Moyen-Orient connaissent depuis des décennies, en Irak, à Bagdad, donc au Liban, ce qu'on a connu en Algérie pendant la guerre d'Algérie, et il y a beaucoup de points de ressemblance avec ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, nous allons le vivre. Mais, et je voudrais dire un mot là-dessus, c'est que quand même tout cela, nous l'avions dit, hein, nos petits organes de presse, Rivarol, depuis 1958, sous la plume de Pierre-Antoine Cousteau, en disant que cette immigration massive nous conduisait au désastre. Jean-Marie Le Pen l'a dit à combien de reprises, et je pensais, en pensant à ce carnage de Nice, que tout cela c'était parfaitement évitable, parce que je constate que tous ces auteurs d'attentats terroristes, qu'on le veuille ou non, ce sont toujours soit des étrangers, soit des binationaux, et des gens extra-européens, pour l'essentiel d'ailleurs, pour l'instant, au Maghreb. On a vu le cas donc de ce Tunisien à Nice. On a vu donc le cas d'un Marocain, cette fois-ci dans les Hautes-Alpes, hein, qui d'un seul coup s'en est pris avec un couteau, donc, qui a perforé donc, le poumon d'une fillette de 8 ans, qui a perforé le thorax de sa mère, qui a blessé deux autres de ses filles. Justement, le problème principal, oui, c'est l'incapacité, voulu d'ailleurs, de notre système politique à désigner l'ennemi. Par exemple, parce que la réponse qui vous sera faite et qui est faite tous les jours, c'est pas d'amalgame, ne confondons pas X et Y, ne pensons pas que l'islam en lui-même est dangereux, ne confondons pas terrorisme et immigration. En fait, c'est vrai, il ne faut jamais tout confondre, mais il faut simplement constater que une invasion massive est le vivier de l'islam, que l'islam a un rapport avec l'islam radical et que voilà. Est-ce qu'on peut, à mon avis, il y a peut-être plus de 2 millions de terroristes potentiels en France. Je réécoutais ces jours-ci un clip de la campagne présidentielle, de la campagne officielle de 1988 de Jean-Marie Le Pen, et il avait tout prévu, il avait tout prédit, et où il évoquait justement cette immigration massive qui alimenterait non seulement la délinquance et le crime, mais le terrorisme, qu'on irait vers une libanisation de la France. Et je me rappelle très bien de tous ces discours où dès les années 70, dès les années 80, il disait cela, et je suis bien obligé de constater que, bon, bien sûr, les médias et les autres partis politiques ont tout fait pour le diaboliser, pour nous diaboliser nous-mêmes, même du coup faire condamner parce qu'on le disait par les tribunaux. Mais moi je pense aussi, il faut le dire, et je le dis vraiment avec beaucoup de tristesse, mais il y a aussi, il faut le dire, la bêtise, la veulerie d'un certain nombre de Français qui finalement n'ont pas voté Le Pen à cause du détail, à cause du rafraîchissement crématoire, à cause du fait qu'ils étaient influencés par les médias audiovisuels, alors qu'au fond d'eux-mêmes ils savaient très bien que Le Pen disait la vérité. Et je me souviens encore, quand même, c'est pas si vieux que ça, en 2002, quand même, il y a des millions de Français de souche, hein, d'ailleurs pour la plupart, il faut le dire, qui ont défilé dans ce qu'on a appelé la quinzaine de la haine, entre les deux tours, pour attaquer violemment Le Pen en disant c'est abominable. Et j'ai souvenance que dès qu'on avait su que Le Pen était au deuxième tour en 2002, des lycéens, des lycéennes, spontanément, avaient été dans les rues de Paris en arborant un maillot sur lequel était inscrit « J'ai honte ». Et je me dis, ces gens-là, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils n'ont pas honte aujourd'hui ? Est-ce qu'ils n'ont pas honte aujourd'hui d'avoir fait preuve d'une telle lâcheté, d'une telle bêtise, d'une telle veulerie ? Parce que c'est trop facile, vous comprenez, toujours de s'exonérer de ses responsabilités. Moi, je me souviens d'un certain nombre de bourgeois qui préféraient voter RPR, parce que, hein, qui préféraient cet immonde et cet abject Chirac, hein, plutôt que Le Pen, parce que Le Pen, quand même, oui, bon, il était pas assez modéré, parce qu'il n'avait pas de bonne manière, parce qu'il parlait trop cru, parce que, voilà. Mais, ou alors on en est aujourd'hui. Ces gens-là aussi, ils ont une part de responsabilité, hein. Il faut quand même dire les choses, hein, à un moment donné. Alors, je ne dis pas ça du tout pour, dans un but de vengeance ou pour méchanceté, mais je crois quand même qu'il faut quand même dire les choses. Et malheureusement, c'est aussi la veulerie et la bêtise humaine qui nous ont conduits là où on en est, parce que c'était parfaitement évitable, ce genre de choses. Seulement, évidemment, les gens qui disent la vérité, qui la disent ouvertement, qui la disent en avance, eh bien, en général, sont diabolisés. On préfère les gens qui leur disent que finalement, tout tombera tout cuit dans le bec et que demain, eh bien, tout ira bien. Bon. Et voilà. Mais donc ça, je crois quand même qu'il faut le dire, parce que toute société multiculturelle est multiconflictuelle et qu'il est bien évident que, en acceptant cette immigration massive, et encore en 2015, quand même, cette affaire des migrants, où par millions, l'Europe, les pays d'Europe ont accepté des migrants dont on sait bien que parmi eux, il y a des terroristes, il y a des criminels. Ben oui, on vient d'en avoir. C'est une responsabilité criminelle. Mais je crois qu'il ne faut même pas. Il ne faut pas se focaliser abusivement sur le terrorisme. Et il y a toute la violence, qui n'est pas forcément terroriste, de l'invasion, qui est évidemment multipliée par l'islam. Ça me paraît clair. Quand on voit par la lecture qui est faite de l'islam dans ce cas-là, quand on voit par exemple ce qui est arrivé en Allemagne, le réfugié, un brave, un gentil réfugié mineur qui avait 17 ans, qui se met à massacrer, accueilli par une famille d'accueil, voilà. Selon la politique de Madame Merkel, mais qu'elle n'est pas seule à conduire, hélas, dans les pays d'Europe. Il faut dire une chose, c'est que évidemment l'islam est un élément aggravant, mais cela dit, dans le cas de ce Tunisien, d'après ce qu'on a lu, il ne pratiquait pas, il ne faisait pas le Ramadan, il buvait de l'alcool, il se droguait, et donc bien souvent je constate que tous ces terroristes, c'était déjà des délinquants qui avaient commis soit des délits, soit des crimes, et qui donc ont une forme d'islam identitaire, si vous voulez, voilà. Essentiellement négative, de haine de l'Occident, mais c'est même pas des gens qui sont pieux, quoi, si vous voulez. Ce n'est pas des gens qui vont prier cinq fois par jour. Ils ne priaient pas, on dit ses voisins. Donc je crois que quand on prend l'islam radical, il faut être très précis. Je pense que le problème est beaucoup plus grave et plus profond que ça. C'est qu'on a des centaines de milliers, peut-être des millions d'étrangers en France qui ont la haine de la France. Pas tous, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont tout à fait pacifiques, et même pour certains, tout à fait charmants, mais il ne reste pas moins. On appelle ça des ennemis, tout simplement. Ce sont des ennemis d'origine. C'est ce qui s'est passé au Liban, c'est ce qui s'est passé en Serbie, au Kosovo. C'est simplement, sociologiquement, ce sont évidemment des gens d'origine islamique, musulmane, et ce sont surtout des ennemis de la nation française dans le cas présent, de Liban de l'époque, et de la Serbie. C'est toujours cette même chose qu'on refuse, c'est de nommer l'ennemi et de l'accepter pour ce qu'il est, parce que pas forcément le haïr, mais il faut le limiter. Mais il faut dire que les médias aussi, même l'éducation nationale, ont joué un rôle tout à fait délétère depuis des décennies en présentant l'occidental, le blanc, le français, comme un collabo, comme un colonisateur infâme, comme un esclavagiste, comme un responsable du génocide. Et par conséquent, ça a été de nature aussi à alimenter un certain nombre de haines qui se sont exacerbées en quelque sorte. Bon, donc il y a aussi ce phénomène-là. Il y a le fait aussi, parce qu'évidemment il n'y a jamais une cause unique aux événements, que les expéditions occidentalistes en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, n'ont fait qu'augmenter la haine de l'Occident. Là encore, je dois dire que tant nos organes de presse, Rivarol, que Jean-Marie Le Pen lui-même, avaient pris position dès la première guerre du Golfe contre, parce qu'il avait bien vu que d'abord nos intérêts vitaux n'étaient pas en jeu dans cette affaire et que c'était de nature à alimenter en plus le choc des civilisations, la haine à notre égard. Et donc je pense qu'il fallait à la fois une politique ferme de réémigration en France, mais également éviter de s'engager dans des expéditions où nos intérêts vitaux n'étaient pas en jeu et qui étaient de nature, certes peut-être à défendre des intérêts américano-sionistes mais, ou de rois du pétrole, mais qui n'étaient pas les nôtres. Bon. Et donc il est malheureux qu'on ne l'ait pas écouté. Moi, j'ai souvenance quand même de pour avoir été plus jeune, un certain nombre de meetings, de réunions publiques de Jean-Marie Le Pen, et j'en ai encore l'écho, je dois dire qu'il avait quand même tout dit, tout prévu, quoi. Et c'était tellement de bon sens qu'il me semble que quelqu'un même d'intelligence moyenne, qui était ouvert à la vérité, cette vérité dont Saint Jean nous dit qu'elle rend libre, eh bien, était de nature, me semble-t-il, à en tirer les conséquences. Et il est triste qu'une majorité de Français n'est pas même en 2002, parce que quand même en 2002 ils avaient le choix au second tour entre Chirac et Le Pen. Alors je sais bien qu'il y a eu une campagne médiatique qui a été terrible, effrayante pendant 15 jours, mais enfin je veux dire, dans l'isoloir quand même les Français étaient libres de mettre le bulletin de vote qu'ils souhaitaient. Il n'y avait pas une caméra derrière eux pour les piéger ou les espionner, et ça veut donc dire que la peur, dont on sait qu'elle est le moteur de l'histoire, c'est la peur d'un prétendu fascisme ou d'un prétendu du nazisme, qui finalement a été plus forte que leur instinct de conservation, que leur instinct de survie. Et l'antiracisme unilatéral, tous ces éléments-là ont été des éléments qui ont contribué au suicide de notre pays, parce que cela a détruit nos défenses immunitaires, notre capacité de résistance, notre capacité de dire non, quoi. Bon, moi j'ai l'impression qu'à bien des égards, toutes choses égales par ailleurs, eh bien on revit un peu, mais cette fois-ci en métropole, ce qui a été vécu un petit peu pendant la guerre d'Algérie. Parce que vous avez des phénomènes individuels qui à tout moment peuvent dégénérer en phénomènes de groupe, hein, ce qui serait évidemment encore plus grave. Autrefois on pouvait se dire l'Algérie c'est très malheureux de perdre ce beau pays, où la France a tant fait, mais enfin il reste la maison mère, si j'ose dire, la métropole, tandis que là où aller. Et donc c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait effrayant. Et ce qui est triste, c'est que c'était évitable et qu'on pouvait le prévoir. Hein, quand même, la noblesse de la politique, c'est quand même de prévoir, de prédire, de voir loin et d'essayer de conjurer les catastrophes que l'on peut prévoir. Et ce ne sont pas ce que nos politiciens ont fait, puisque eux, droite et gauche confondus, n'ont cessé depuis au fond 40 à 50 ans d'accueillir par millions des immigrés extra-européens, bon, avec une aggravation depuis 40 ans avec le regroupement familial, les naturalisations massive, le fait que les Français, les immigrés clandestins, dans un premier temps, on les régularisait, puis après on les naturalisait, et en faisant des Français de papier et des Français transgéniques en quelque sorte, mais qui n'avaient ni le cœur ni l'âme d'un Français, c'est évident. Bon, et donc on paye cela, et c'est quelque chose qui est tragique, parce que évidemment il y a des victimes, il y en aura encore très probablement, et quand on voit les réactions officielle, j'entendais le Premier ministre Manuel Valls l'autre jour dire qu'il fallait combattre le racisme. On croit rêver, surtout que dans sa bouche, quand il dit combattre le racisme, ça veut dire évidemment le racisme des Français, des souches, des Blancs, vis-à-vis des immigrés extra-européens, quoi. C'est hallucinant. Alors même qu'on vient de connaître la mort dans des conditions épouvantables de dizaines de Français et de non-Français, puisque c'est vrai qu'il y avait aussi des touristes et qu'il y a évidemment de tout dans ce genre de manifestations. et surtout des blancos pour parler bon. Comme. Alors après, on pourrait faire d'autres remarques aussi, peut-être un peu moins essentielles, mais. Attendez, il faut que je fasse une annonce. Il est 20h34. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée avec Martin Pelletier. Je reçois ce soir Jérôme Bourbon, tout seul courageux venu pour le Club de la Presse. Ces dames sont à la plage. J'espère qu'elles nous reviendront plus belles et bronzées qu'avant. Et j'ai une question d'un auditeur. Monsieur Erdogan doit voir Poutine début août. Suite à la tentative du coup d'État, le pilote qui a abattu le chasseur russe sur le territoire syrien vient d'être arrêté pour complicité avec les putschistes. Je ne le savais pas. L'hypothèse d'une participation à ce coup de force de la CIA vous paraît-elle plausible? Alors moi, je ne peux pas répondre à cette question. Je vous passe le bâton parce que ça me semble extrêmement complexe et je ne vois pas le lien. Mais... Non, mais une implication de la CIA est possible. Il est possible, effectivement, que les États-Unis, voyant le rapprochement d'Erdogan, aussi récent soit-il, d'une part avec la Russie de Poutine, d'autre part, dans une moindre mesure, avec la Syrie et ses dirigeants actuels, eh bien, aient vu ça d'un mauvais œil. C'est tout à fait possible, surtout qu'on sait que la Turquie est quand même traditionnellement l'allié des États-Unis d'Amérique et d'Israël aussi, même si ces dernières années, il y avait eu des crises graves entre ces deux pays. Mais enfin, c'est possible. Maintenant, vous dire que c'est ce qui s'est passé, nous n'avons pas les éléments pour le certifier. C'est une hypothèse qui, parmi d'autres, n'est pas en soi à exclure. On ne peut pas l'exclure comme ça, mais c'est vrai qu'on manque absolument d'éléments. Alors, revenons en France. Alors, pour moi, l'histoire de Nice, parce que le directeur de la DGSI, Patrick Calvar, non seulement nous disait il y a quelques, même pas deux semaines, qu'il fallait lutter contre l'ultra-droite, donc il n'avait pas trop vu venir le coup, et puis il nous disait, oui, c'est très inquiétant parce que nous allons vers une situation libanaise, ce qui n'est pas entièrement faux, mais nous devons nous attendre à des attentats à la voiture piégée qui demandent toute une logistique extrêmement complexe, c'est vrai. En revanche, ce qui s'est passé, c'est un attentat au camion naturel qui ne demande aucune logistique, mais simplement un peu de mauvaise volonté. Et c'est plus affolant. Et ce qui est affolant, c'est qu'à mon avis, ça, enfin, justement, je vous aimerais que vous vous exprimiez là-dessus, ça indique en particulier une extrême fragilité de notre société, parce que on a reproché au gouvernement, en l'espèce, je sais pas très bien ce qu'on peut lui reprocher, parce que comment voulez-vous empêcher les gens de circuler un 14 juillet, un comment dirais-je, si on n'a pas l'information sur le meurtrier en puissance, on ne peut pas arrêter, il n'y a pas moyen. La société française, toutes les sociétés occidentales, sont extrêmement vulnérables à toutes les terroristes. J'en vois un autre, je finis ma question, mais parce que là, il y a quand même un vrai problème. Regardez ce qui s'est passé à la gare du Nord hier. Dans 4 heures, tout le trafic TGV, tout le trafic de train a été coupé parce qu'un transformateur a été incendié par des voleurs de câbles. Donc, paf! Tout le trafic avec l'Europe du Nord, avec l'Europe de l'Est, avec est coincé. Tout peut arriver. On peut bloquer notre société avec rien. C'est exact et c'est quelque chose d'effrayant. D'ailleurs, quelqu'un me faisait remarquer, qui connaît bien les États-Unis d'Amérique, qui me disait, c'est quand même hallucinant que ce camion fou ait pu faire 2 kilomètres, c'est considérable le kilomètre, hein, sur la promenade des Angolais, et cette personne me disait, qui connaît bien les États-Unis d'Amérique, elle me disait, mais aux États-Unis, il n'aurait pas fait plus de 300 mètres, parce que les gens sont armés, peut-être pas forcément les gens évidemment qui venaient au défilé, mais il y aurait des gens aux fenêtres, qui sont armés chez eux, qui auraient tiré dessus, et me disait-il, jamais aux États-Unis il n'aurait fait 2 kilomètres. Bon, c'est son point de vue, je ne sais s'il est fondé, mais il est vrai que nous sommes désarmés, nous sommes d'abord désarmés moralement, parce que les jeunes générations surtout ont été élevées dans l'idée de l'antiracisme unilatéral, dans le culte de la technique, dans la civilisation des loisirs, dans l'hédonisme, et par conséquent la notion de guerre est quelque chose qui dépasse complètement. Nous ne sommes plus dans les générations qui ont connu les tranchées, qui ont connu aussi la mort fréquente, puisque naguère la mortalité infantile est extrêmement élevée, et au fond, la mort qui était un peu partout crée une forme de tension morale dans la société, dans la population, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, effectivement, on est extrêmement vulnérable face au terrorisme, et d'ailleurs, si le camion a fait autant de victimes, c'est aussi parce que on ne l'a pas vu venir à cause de ces musiques modernes extrêmement fortes qui font qu'on n'a rien entendu du tout. Il est certain que s'il n'y avait pas eu ces musiques, il y aurait sans doute eu moins de morts, parce que les gens se seraient rendus compte très vite de l'arrivée d'un camion. Un camion, en plus allant à toute allure, ça fait quand même du bruit. Eh bien, il n'a pas été entendu du tout, même par les gens qui étaient très près, comme le montrent certaines photos ou vidéos, précisément parce que la musique était extrêmement forte. Et ça, je crois aussi que c'est un symbole extrêmement fort. C'est que on a là, en quelque sorte, la civilisation des loisirs, de l'hédonisme. Il n'est pas interdit ou mal en soi, évidemment, de se détendre ou de passer un moment agréable. Mais enfin, on est quand même une société qui promeut, à tout point de vue, cette civilisation-là et qui promeut, disons, une certaine insouciance, quoi. Et ce symbole, disons, de cette musique qui empêchait, si vous voulez, eh bien, les gens de se rendre compte de cette l'arrivée de ce bolide, de ce camion fou, m'a fait penser à un film de Claude Chabrol qui s'appelle La Cérémonie, vous savez, où deux jeunes femmes en fait tuent toute une famille. Là, c'est une lutte de classe en quelque sorte, par envie sociale en quelque sorte, à la fin d'un film, et se servant de la carabine du père de famille qui s'en sert pour la chasse, et les différentes personnes de la maison ne se rendent pas compte parce qu'il y a la télévision, on regarde un concert et il y a la télévision qui couvre le bruit de la préparation de ces fusils. On n'entend pas les pas de ces personnes s'approchant de la salle qui va devenir la salle du crime, précisément parce que la télévision est allumée et qu'elle fonctionne à plein régime. Et je crois que c'est un petit peu, somme toute, ce qui s'est passé là. Et ça aussi, je crois que ça doit nous faire réfléchir par le fait que, d'ailleurs, maintenant, la musique, elle est partout. C'est même parfois gênant quand on va au restaurant, au supermarché, etc. Et ces musiques modernes que dénonce, d'ailleurs, avec tant d'énergie Henri de Lesquin, notamment. Et je crois vraiment que ça aussi, c'est un élément qui est quand même important, parce que c'est quelque chose aussi qui est fait pour nous divertir, mais aussi pour nous éloigner de l'essentiel, pour empêcher toute méditation, toute réflexion sur soi-même. Et aussi, ça nous coupe du monde extérieur, de la réalité présente. Bon, donc je dirais que ça, c'est pas, évidemment, ce qui est peut-être le plus important à dire dans cette affaire, mais ça me paraît quand même très symbolique, parce que c'est ce que tous les articles de journaux ont dit. Les gens n'ont pas vu le camion arriver parce qu'il y avait cette musique qui était extrêmement forte. Sinon, bon, il y aurait certainement eu des morts, mais sans doute beaucoup moins, parce que on s'en serait rendu compte plus vite. Et d'autre part, effectivement, le fait que nous sommes dans une société qui est complètement désarmée, on sait de les débats aux États-Unis sur la question des armes à feu, mais il est évident que si beaucoup plus de gens étaient armés, peut-être que ce camion n'aurait pas fait une course aussi longue et aussi effrayante, parce que c'est bien joli de dire qu'il ne faut pas que les gens soient armés, mais dans ces cas-là, les honnêtes gens sont désarmés, alors que les voyous, les criminels, les délinquants, les terroristes, eux, se débrouillent toujours pour être armés. Bon. Et donc, je ne suis pas sûr que, de ce point de vue-là, la politique française dans ce domaine soit très recommandable, parce que on ne peut quand même pas accepter que nos compatriotes se fassent abattre dans de véritables boucheries chaque semaine. D'une manière générale, je pense à un événement qui est beaucoup moins tragique, et donc cette coupure de courant qui a bloqué le nord de la France. Est-ce que tout simplement les gens ne sont pas, enfin notre société est complètement inadaptée aux temps qui vont venir, et notamment à la question de Gaïa Urbaine, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que qu'une société aussi complexe, techniquement aussi complexe, avec autant de nœuds de communication finalement très fragiles, elle ne peut fonctionner qu'avec un civisme minimal, avec une bonne disposition des populations, donc avec une espèce de filia d'amour des populations les unes pour les autres. Donc c'est du moment qu'on accepte l'immigration, ce type de société ne peut pas fonctionner, tout simplement. Et en plus, je dirais que l'efficacité meurtrière de ce crime va donner des idées à d'autres. Il y a en France au moins plusieurs milliers, peut-être davantage, d'individus qui sont tout à fait capables d'envisager des scénarios pareils. D'ailleurs, je dirais que quand on voit ça, cette histoire, on se dit que la réalité dépasse la fiction, et que même dans des scénarios de films d'horreur, on n'aurait pas forcément été aussi loin. Et s'il suffit de louer un camion pour faire un tel carénage, beaucoup de gens en sont capables. Ou avec une voiture, bon, où c'est très facile, même dans une rue, sur une plage, dans différents... ou même, évidemment, vous le disiez très bien, dans une gare également, dans un train, dans un... Bon, eh bien, de semer la terreur. Bon, et on peut craindre, effectivement, cette réitération, cette répétition de carénage, de tragédie épouvantable, les uns parce qu'ils sont déséquilibrés ou qu'ils veulent passer à la postérité en faisant parler d'eux, les autres parce qu'ils sont kamikazes. Faut quand même pas oublier quand même que tous ces gens, c'est des gens qui finalement savaient très certainement que ils allaient mourir à l'issue de leur course, et il est évident que c'est très difficile de combattre un kamikaze puisque il est capable d'accepter de mourir là où lui-même donne la mort autour de lui. Et évidemment, face à cela, la police, la maréchaussée sont assez désarmés. Quelqu'un qui a une volonté inflexible, qui en plus est assez suffisamment intelligent pour mener à bien son action, et qui est capable de mourir en donnant la mort autour de lui, bah évidemment c'est extrêmement difficile de lutter contre cela. Et c'est la raison pour laquelle, quand on pense à cela, on se dit que c'est quand même dramatique que cette immigration, qui évidemment n'a pas été souhaitée par le peuple français, mais qu'il a subi, qu'il a supporté, et qu'au fond, finalement, il a quand même accepté par ses votes. Parce que quand même, je reviens quand même là-dessus. Ça, on en a déjà dit. Non, mais c'est important de le dire, parce que je veux dire, on a pas cessé de délire et de faire réélire des gens qui finalement ont promu, ou en tous les cas, ont mené ces politiques mortifères et criminelles, dont on ne voit aujourd'hui que les débuts sanglants, et malheureusement, c'est probablement qu'un début. Est-ce qu'il faut dire, justement, mais même si on n'arrivait pas hypothèse à se débarrasser du terrorisme, une société de ce type, on vient de le voir par des petits incidents, ne peut pas fonctionner dès lors qu'il y a des gens, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas de véritables citoyens, qui se mettent en travers du fonctionnement. Alors il est 20h45, c'est-à-dire que nous n'avons plus beaucoup de temps, mais vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez moi-même, en particulier Martin Pelletier, pour le libre journal de la liberté surveillée. Je reçois Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol pour le Club de la Presse, et j'ai quelques questions des remarques d'auditeurs qui le saluent d'ailleurs avec enthousiasme. Le seul pays où il n'y aura pas d'attentats musulmans, le Japon. Il n'y a pas de mosquée là-bas. Il y a effectivement, je crois qu'il y a une petite communauté musulmane quand même au Japon, mais très faible. Alors, monsieur Jérôme Bourbon dit qu'il y a des vigiles, mais quel est le rapport ? Exact, oui, c'est exact, effectivement. En général, ce sont des vigiles de couleur, mais j'avais cité cet exemple parce que c'était aberrant de ce que les personnes ayant un sac avec eux étaient fouillées s'ils étaient au rez-de-chaussée, mais si on passait par un escalier extérieur, qu'on arrivait au premier étage du centre commercial, on évitait les vigiles. Donc tout ça est grotesque. Et je crois que ça n'est pas un cas isolé. Encore une fois, je répète, c'est une façon pour le président de la République, pour les pouvoirs publics, d'essayer d'abord d'augmenter un peu leur popularité et de rassurer à bon compte la population. Mais on le voit, nous étions en plein état d'urgence et finalement, ça n'a pas empêché le crénage de Nice. Donc tout cela, c'est essentiellement... C'est de la communication. Des effets de communication et donc avec effets psychologiques sur la population. Mais c'est tout. Et d'ailleurs, que propose François Hollande ? Qu'est-ce qu'il propose d'autre après ce crénage, si ce n'est finalement une prolongation, d'abord de 3 mois, puis de 6 mois de l'état d'urgence, c'est-à-dire rien ne changera puisqu'on était déjà en état d'urgence. C'est se moquer du monde, véritablement. Il n'y a aucune mesure d'envergure qui est prise. Et au contraire, je vous disais, j'entendais Valls dire qu'il fallait combattre le racisme. J'entendais le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, dire que le président de la République et l'ensemble du gouvernement restaient très attachés, je cite, au vivre ensemble. Ce qui est se moquer, quoi. Je veux dire, ne répéter que cela alors qu'on voit très bien. Où on en est, c'est quand même terrible. C'est que on a une voiture qui se fracasse contre un mur et au lieu de faire marche arrière, eh bien, on continue à accélérer dans ce sens. C'est quand même hallucinant. Ce qui pourrait d'ailleurs laisser à penser qu'il y a peut-être quand même une volonté. Oui, justement, il y a une chose quand même qu'il faut voir dans ce terrorisme, c'est qu'il sert les intérêts de la révolution mondialiste, parce qu'il est clair que quand Manuel Valls nous dit il va falloir s'habituer à la menace terroriste, ça veut dire qu'il faut faut s'habituer en même temps à la loi sur le renseignement, au flicage d'Internet et à l'état d'urgence notamment. Parce que toutes ces mesures qui n'en sont pas et qui ne permettent pas de combattre vraiment le terrorisme, permettent en revanche de mettre au pas les citoyens et de les habituer à la future gouvernance mondiale, non ? Très, très certainement. Et en plus, on voit très bien qu'on nous donne naturellement comme exemple l'État d'Israël en nous disant eux qui sont confrontés à ces problèmes-là, comme si en plus il s'agissait de la même chose, puisque bon, les Palestiniens sont quand même chez eux en Palestine, ce qui n'est pas la même chose, mais on voit très bien qu'il y a une volonté en quelque sorte de se mettre en creux davantage dans ce schéma-là, sous cette dépendance-là, et je pense qu'en effet, il y a un certain nombre de cénacles mondialistes ou financiers qui en effet promeuvent les guerres civiles parce que ils ont intérêt à un affaiblissement considérable de l'Europe et de l'Occident pour leurs affaires, pour leurs desseins de domination mondiale. Ça me paraît effectivement assez clair, ça, très certainement. Mais parce que sinon, on aurait quand même pris depuis quand même un certain temps des mesures tout à fait drastiques. Je rappelle que lorsque le gouvernement veut être efficace dans un domaine, il peut l'être. Par exemple, s'agissant de la sécurité routière, avec la multiplication des radars, il sait être impitoyable. Il sait être impitoyable également quand il s'agit de combattre et de poursuivre le prétendu racisme. Bon, puisque on sait très bien à quel point il est facile d'être poursuivi et condamné pour incitation à la haine raciale, simplement pour le fait de dire qu'on considère qu'il y a par exemple trop d'étrangers en France ou une immigration excessive ou incontrôlée. Rien que dire cela peut suffire actuellement à être poursuivi et condamné par les juridictions françaises. Et par conséquent, cela en dit long sur le fait que nous sommes vraiment désarmés et dépossédés. Alors Jérôme, il ne nous reste plus que 5 petites minutes, alors on va terminer sur des questions beaucoup plus futiles et légères, c'est-à-dire la politique intérieure, les sondages et Hollande, vous en pensez quoi ? Cette chute qui n'arrête pas, immobilité dans le zéro. Alors on dit qu'en général, lorsqu'il y a des événements extrêmement graves, des catastrophes, souvent le réflexe de la population est de faire confiance à l'exécutif et en quelque sorte de se resserrer dans un réflexe patriotique ou civique en tout cas envers les gouvernants légaux et il semble en effet que les fois précédentes après les attentats à Charlie Hebdo et dans une moindre mesure après le Bataclan, on peut penser que si les résultats régionaux de la gauche ont été moins catastrophiques que ce qui pouvait être prévu, sans doute, bon, il y avait certes le fait qu'il y ait bruit triangulaire entre le Front National, ce qu'il est convenu d'appeler la droite parlementaire et la gauche, donc c'est certain que ça favorisait la gauche mécaniquement, mais malgré tout, ils ont quand même gagné des régions comme la Bretagne, même sans triangulaire, en tout cas avec une majorité absolue au second tour. Donc je pense en effet que certainement que c'est un petit peu limité la casse pour la gauche en général et pour le Parti Socialiste en particulier au régional. Est-ce que ce sera le cas cette fois-ci ? L'avenir le dira. Ça me paraît quand même plus compliqué parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même une exaspération très importante de la population. Ça ne marche plus, on a l'impression que les ressorts et des tambours. Voilà, j'ai quand même l'impression que ça va être très difficile. Moi, mon opinion qui ne vaut que ce qu'elle vaut, et Dieu sait que nous sommes à 9 mois des élections, du premier tour et des élections présidentielles, mais il me semble que à l'heure actuelle, les deux personnalités politiques en France qui devraient profiter, si j'ose dire, d'un point de vue électoral ou sondagique, de ces événements tragiques, c'est, me semble-t-il, Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, parce que c'est eux qui ont l'image, à tort ou à raison, la plus sécuritaire. Et je pense que, de ce point de vue-là, il me semble que c'est plutôt les deux qui devraient, me semble-t-il, sortir en gagnant, si on peut s'exprimer ainsi, dans cette affaire. Cela étant dit, en politique, 9 mois, c'est une éternité. Il peut se passer beaucoup de choses, mais on peut penser que ces deux personnalités devraient normalement plutôt gagner des voix. Je ne sais pas, mais disons que son profil n'est pas, si vous voulez, sa crédibilité, si tant est qu'on puisse parler de crédibilité dans son cas, n'est pas sur les questions sécuritaires ou d'immigration ou de terrorisme. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que les candidats qui sont relativement à l'aise sur ces questions-là, ou qui, en tous les cas, paraissent à droit raisons crédibles aux yeux d'un certain nombre de Français. Je pense que c'est la présidente du Front National, non moins d'ailleurs pour ses propos à elle, mais tout simplement parce que elle est le Front National en quelque sorte, et qu'elle, voilà, qu'elle hérite d'une histoire, puisque je dirais qu'elle-même a des propos souvent beaucoup plus modérés, politiquement corrects que son père, et beaucoup moins, je dirais, souvent courageux que ceux de son père. Mais en tout cas, bon, elle hérite objectivement par son patronyme, par le fait qu'elle est présidente du Front National, de cette de tout ce passé, quoi, qui aujourd'hui lui est favorable. Il n'y a que de voir les forums de discussion où les gens se disent, je l'ai lu souvent, finalement c'était Le Pen qui avait raison, etc. Bon, voilà. Donc ça, je pense que ça devrait logiquement lui profiter. D'ailleurs, j'ai lu que il y avait un boom des adhésions au Front National, que le standard croulait sous les appels, ce qui me paraît assez crédible. Bon, et dans une moindre mesure, je pense que Nicolas Sarkozy... Profiter du tout sauf Juppé, enfin. Je ne sais pas, mais je pense que Nicolas Sarkozy, qu'on disait carbonisé, c'est vrai que le système médiatique pousse Juppé, c'est très net, hein, soutenu près des États-Unis très clairement, mais il n'est pas complètement impossible que Sarkozy, qui n'a pas, semble-t-il, envie de se laisser faire et qui ne souhaite pas rester sur l'échec de 2012 où il avait été battu par Hollande, j'ai l'impression quand même qu'il s'agit. Il était le dimanche soir l'invité du 20h de TF1 et je trouve que il était assez habile en général sur ce genre d'affaires où il sait adopter une posture martiale, trouver les mots qui sont de nature à toucher un certain nombre de gens sans doute un peu naïfs, il est vrai, mais enfin je pense qu'il a probablement une habileté manœuvrière sans doute plus importante que Juppé dans cette affaire. Bon, ça c'est un ressenti personnel de journaliste, si vous voulez, qui ne vaut que ce qu'il vaut. Eh ben, on verra bien. Voilà. Merci Jérôme pour ces analyses. Vous écoutiez Radio Courtoisie, la radio libre du PRL et de la francophonie, avec Martin Pétier pour le libre journal de la liberté surveillée. À la et je souhaite de fois. Bonnes vacances estivales à tous les internautes, pardon, à tous les auditeurs, autant pour moi, à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Voilà. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pétier. Diffusé en direct mercredi 20 juillet 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 21 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros. Ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.